blanc. On ira prendre ce qui est à prendre. Garder nécessaire, enlever ce qui est en trop. Loin d'une bande, bro. J'pendre, banco. J'tendre, bro. J'chante, bro. Tout niquer, c'est le blanc. On ira prendre ce qui est à prendre. Garder nécessaire, enlever ce qui est en trop. Loin d'une bande, bro. C'est classique, mais le projet c'est classique. Abroger mon asile, l'acide à l'arbo, j'ai du drastique. Nique tes castings, tes stars en plastique. On veut des gros, j'ai, j'me fous des gros, j'ai leur ultra-team. T'es dans toi, j'déplace les foules, t'es mal et boules. L'avenir s'affole, pas de garde à vous, t'es pas là pour. T'es qu'à la fou, y'a pire, y'a folle. Souviens-toi, les bugs des bugs, les potes décollent, les codes déconnent, les bobs décollent, des tonnes de codes, déconnent, des normes décollent. J'suis venu chercher ma place, briser la glace avec un coup de tête. Gardez vos strass, vos lignes, vos traces, vos lâches, vos crous de traître. C'est pour les mythes et les garçons tristes, des boissons tristes, des boissons mises sur les poissons, pris dans la façon. Je ne vise que l'évasion. On ira prendre ce qui est à prendre. Garder nécessaire, enlever ce qui est en trop. Loin d'une bande, bro. J'pendre, banco. J'tendre, bro. J'chante, bro. Tout niquer, c'est le blanc. On ira prendre ce qui est à prendre. Garder nécessaire, enlever ce qui est en trop. Jackie Chan qui chante, la décence est en deuil, le sang chie, l'autre tape. Chérie, arrête plein d'on chie dans de l'eau potable. Les petits esprits veulent le succès en testant tout. Comme quoi y'a pas que Mimi Mati qui peut sucer en restant nous. On ira prendre ce qui est à prendre sans te lâcher de popard. Et plus la part sera grande, plus on pourra partager notre part. J'élimine d'en bas sur le beach campagne, élimine d'en bas. J'élimine, j'en parle, que la ville d'en bas sur le fil, j'en parle. Choc comme ma gueule. J'élimine d'en bas sur le beach campagne, élimine d'en bas. J'élimine, j'en parle, élimine, j'en parle, que la ville d'en bas sur le fil, j'en parle. On ira prendre ce qui est à prendre. On ira prendre ce qui est à prendre.